Bon, mesdames et messieurs, nous avons le regret de vous annoncer que la remise de prix de ce soir ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Je suis l'inspecteur Jouranek, voici l'inspectrice Montaignac de la police de Chamonix. Nous avons été missionnés pour enquêter sur une affaire bien merdique. Et nous vous demandons de bien vouloir nous accorder votre attention et votre entière collaboration. Les portes de l'hôtel sont fermées et nos hommes sont postés derrière chaque issue. Donc inutile de tenter quoi que ce soit, sauf si vous voulez que tout le monde sache que vous avez quelque chose à vous reprocher, d'accord ? Nous tenons à vous prévenir que nous sommes armés et que le pirate est en vigueur. Merci, président. Si nous voyons une seule personne bouger, on tire dans le tas. C'est vu les artistes qui viennent. Mais, détendez-vous, nous ne voulons pas non plus casser l'ambiance de fête de ce merveilleux festival, ne vous inquiétez pas. Tout à fait, on peut parler de mœurs et passer à tabac des gens sans casser l'ambiance, mais dans la bonne humeur. On n'est pas des brutes, ok ? Bon. C'est pas drôle. Alors, l'affaire qui nous amène ici est la suivante. Ce matin, un témoin a retrouvé dans un recoin de la boîte de nuit le sang de l'œuf. Le corps sans vie d'un individu de race humaine. Probablement assassiné par l'introduction violente d'un corps étranger, en l'occurrence un être à l'édition dans l'orifice respiratoire. Nous ne vous donnerons pas l'identité de la victime, mais nous pouvons déjà dire qu'il s'agit d'un éditeur et qu'il n'avait pas sucé que des glaçons avant de se faire dessouder. Par Saint-Poumenec, il chouchait à 10 km, jamais vu ça, c'était dégueulasse. Au moins 8 grammes dans le sang. Je vous explique. Hein. Le meurtre s'est passé entre 2h et 4h du matin. Suffisamment tard pour qu'aucune personne ne puisse témoigner de quoi que ce soit, sauf un certain Joub, qui m'a dit j'étais trop cuit pour capter quoi que ce soit d'autre dans le fond de la cuvette des chiottes. Bon alors, nos experts sont intervenus sur la scène du crime et ont pu relever un sacré paquet d'indices. Le légiste a également pratiqué une autopsie qui semble très révélatrice. D'après eux, c'est certain, le coupable est un auteur de bande dessinée. Dis-nous le rapport des experts Montaignac, s'il te plaît. Alors, le docteur Coupe-Lapoine annonce dans son rapport avoir retrouvé, je cite, des chiures de gomme ainsi que des traces de peau grasse et carencées en vitamine D tous les ongles de la victime. Les experts, quant à eux, ont retrouvé sur place plusieurs stylos panthères à la pointe usée, des tout petits bouts de crayon papier. Des empreintes malheureusement trop floues pour être utilisables, mais imprégnées de graphite et de gras d'Oréo. Des traces et quelques poils plumâtres. Alors au début, on était convaincus, là, Piotr et moi. Ouais. C'est un de ces crapouilleurs Mickey qui a fait le coup, c'est signé. Ouais. C'est ça qu'on pensait. Ouais, c'est ça qu'on pensait, mais nous, on ne la fait pas, nous, ok hein. On ne la fait pas. Faut pas nous prendre pour des jambons, ça pue le coup monté, ok. Mon collègue et moi, on a élucidé des affaires bien plus compliquées que ça. Alors, par exemple, Julien Solé, dépeceur de Poumanac, qui jetait ses victimes au requin. C'est nous qui l'avons pensé, d'accord ? Exactement, même chose pour Lévis Trondheim. On a fait l'emparteur de mouette de la rade de Brest. C'est nous qui aurons la collé derrière les barreaux. Tout à fait. Et Jean-Claude Fournier, de triste mémoire. Coupable d'un triple viol sur un parasol. Et qui l'a pensé ? Eh ben c'est Bibi. Ta gueule ! Je vois avec, ça suffit. T'as raison, Montaignac, ça serait grave. J'en profite, je ferai une petite pause, s'il te plaît, on va bien servir un petit verre. Alors, on va faire un petit hommage à un informateur qui nous a quitté récemment. C'était un indic de premier rang, qui nous a permis de coffrer un sacré paquet de crapules dans votre genre. Il était capable de faire picoler n'importe qui toute la nuit jusqu'à 5h du matin, jusqu'à tout le temps. C'était un prince, Michel. Bon, j'en reviens à notre affaire. C'est qui a fait le film? On te dirait que moi, on trouve ça ici à table. On te dirait que moi, fermez vos gueules, merci. On trouve ça un petit peu trop grossier, ça a pu vous montrer, comme on a dit, en pensant que le coupable, ce n'est pas un auteur béni. Ben, c'est sûrement un petit malin qui essaie de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Voilà, tout à fait. Alors, d'après mon père de Provider, mon cher Dokanda, de race masculine, qui aime bien les boîtes de nuit et les contrats en papier, mais pas numérique. Parce que le numérique, tu peux pas étouffer avec. Alors, c'est ça qu'on a trouvé dans le orifice respiratoire. C'est sa conviction numéro. Alors, sûrement que sa maman trouvait qu'il dessinait bien, mais elle n'a pas voulu lui payer une école parce qu'elle se disait que ça servait à rien. Et on a donc quelqu'un, je pense, de frustré, et qui pense que la vie, c'est une chienne qui pisse sur tes rêves, tes rêves d'enfant. Ouais, sûrement qu'il a voulu devenir collectionneur ou critique de bande dessinée sur un blog, donc pourquoi pas ça. Non, non, je connais qu'on a affaire à un psychopathe crapaud BD. C'est là on parle d'un vrai caméléon, Jourdain, avec un simulateur qui copie un auteur. Il bouge auteur, il mange auteur, il vit auteur. Il aspire auteur. Non, ça veut dire que cet individu, il va en festival, qui rencontre des éditeurs, et comme un auteur, il va parler les contrats, pris à la planche, tout ça, il essaie de se faire éditer, c'est ça. Mais non, Rodan, c'est pas ça, il sait qu'il n'y arrivera pas, enfin, je veux dire, les éditeurs, c'est pas des nobles, ils savent quand même reconnaître les Il est beaucoup plus cher. Moi, je ne kiffe pas l'empêche. C'est quoi la raison pour laquelle, à un sortu, il voudrait se faire passer pour un auteur de BD? Ça n'a aucun sens. Et les auteurs, ils ne gagnent pas un rond. Ils ont le fait que ça vit d'un collectionneur de timbres. Et puis, toute la journée, t'arrives à quoi tout ça? C'est un petit rêve de ça. Parce que c'est la loi qui m'intéresse. Ah, c'est la loi qui m'intéresse. Il veut un prix, il veut un trophée, il veut un crayon géant, il veut une gomme en mousse. Bah alors ça veut dire quoi? Ça veut dire. Attends, ça veut dire quoi? Le prix, il est là dans la. Voilà! Il est là! Oh là là, attends. Mesdames et messieurs, calmez-vous. Nous allons vous demander de vous mettre en file indienne parce que nous allons vous interroger tous les uns après les autres. Non, je vois, d'accord. On va intéresser, on va interviewer que les voteurs privés. On lui aura forcément pris la place d'un lauréat. Ouais, c'est pas bête. Tout à fait, mesdames et messieurs, bougez pas, c'était une fausse alerte. Nous n'allons seulement interroger que le lauréat, comme elle dit ma patriote, et tenter de découvrir si ce sont des vrais auteurs ou des simulateurs. Nous avons utilisé des techniques psychologiques ultra modernes pour débusquer le coupable. Et sans la douleur, c'est plus fiable et c'est moins salissant que la porte. Bon, on va y aller donc méthodiquement. On va commencer par le prix Jeune Talent. On l'appelle à la barre Alix Garin. Alors, on va vérifier. Hein, que... Deux petites secondes, on met au point le test psychologique. Alors, j'explique le principe. On va passer des diapositives en numérique et on va montrer des photos. Il faudra réagir très vite. Est-ce qu'elle était prête? On a chez la police, on a tout le monde à la police. Alors, voici les mains d'un auteur célèbre. Vous devez me dire de qui il s'agit. Répondez très vite, s'il vous plaît, on n'a pas que ça à faire. Franquin. C'est bien. Oh. Wow. Mon ami, la professeure, elle pense aussi que le coupable est peut-être un médiocre. Voici maintenant un détail d'un personnage de bande dessinée bien connu. C'est qui? Raté, c'est... Ouais, si vous pouvez, je vous connais que je crois qu'on n'a pas trop intérêt à mettre en bouche. Dernier test, voici une série de dialogues tirés de l'album Lacan de l'auteur Mulvedius. Quelle bulle apparaît dans la case 47 du plan de l'eau? Non. Pas du tout. Désolé, mais à mon avis, notre jeune talent a déjà un pied dans la prison et l'écoutisme. En même temps, Choubanek, c'est un peu dans le métier, alors on ne peut pas tout nous faire rapporter. C'est pas faux, mais on va garder à l'œil. Descendre de la scène, ben, tu restes devant, t'es le suspect numéro 1. Le prochain suspect appelé à comparaître est le prix Révélation Adrien Goebbels. Et Teddy Bull, c'est monsieur Robin Cousin pour son album Le Profil de Jean Médis. Je ne sais pas si je te trompe pas. Parce que moi, je sais qu'il fait des polars, le gros malin. Alors, on va tester. Non, mais il ne veut pas connaître tous nos trucs pour t'aider. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas ficher. Notre test est infaillible, je vous le rappelle. Ok, c'est parti. On recommence. La main du commandant célèbre. Allez, c'est allez, pas toi. Il a pas de poil et tout. La main du curé. Non, mais il ne donne pas des pistes, au contraire. Non, c'est qui? Je ne sais pas, c'est le page. Il ne connaît pas le page de monsieur, ou bien il fout de nous. Bon, allez, dernière question. Donc, continue. C'est un détail d'un personnage pour dessiner, c'est qu'il t'aime, c'est qu'il te dit, c'est facile. Non, c'est la bonne forme. C'est ça l'expert en polar. C'est bon, quoi. Ça pèse, ça pèse. Alors, allez, dernière question pour être sûr. Voici des découpages des pages 8 à 15 sous la main de Troll de Troyes, Larmesson et Mourier. Quelle est la case qui fit le scandale des 500 fils? Vas-y, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on dit, Montpellier? Je suis camarade, attends. Je suis d'accord sur tout. Ouais, c'est bien. Bon, pour moi, il n'y a plus de doute. Hein. Steve, mais c'est l'autre tueur. De toute façon, j'ai senti dès qu'il est monté sur scène. Alors, hein. Moi, je pense que par devoir de justice et par conscience professionnelle, on va quand même passer en revue tous les suspects pour être certain. Ça va? Allez, j'appelle à la barre le lauréat du prix West France, Thierry Bulle. L'auteur Chippy pour son album La Terre des Pistes d'édition Futuropolis. Silence, tout ce qui pourra être dit ici pour tenir contre vous tout ça. Donc, qui tente un grand bout, s'il te plaît. On m'a dit que c'était pas Chippy ou alors il a fait un petit bouquet. Donc, silence. Tu veux te dire dessus ou pas? Bon, on m'a dit c'est l'éditeur, monsieur Cambro, qui prend sa place. Mais on va quand même vérifier si c'est. On va quand même vérifier si c'est bien l'éditeur Claude Cambro ou si c'est pas un salopard qui essaie de nous la faire à l'envers, quoi. Bon, alors. Sur un silence, c'est dit. Tais-toi. Regarde bien ces taches. Une seule a été faite par Hugo Pratt, c'est laquelle? C'est la première. Non, arrêtez. Ah, décidément, moi je suis trop. C'est pas si compliqué quand même. Comme les autres, à qui appartient ses mains? Tac. Non. Jean-Claude. Voilà. Pas fournirait, non, c'est vrai. C'était une autre affaire, ça. Préparation professionnelle, excusez-moi. Et maintenant, là, regarde ce détail d'un personnage, c'est pas compliqué. Allez, allez. C'est quoi, celui-là? C'est qui? C'est un personnage de bien connu que vous ne connaissez pas? Non. Ce sont les vrais gens, je crois. Il est exposé dans le couloir, c'est facile. Allez, c'est là. C'est qui? C'est qu'un Montaigne, franchement. Ils sont tous coupables, je te le dis. Mais j'en sais rien, collègue. Je commence à me demander si votre test est con et bien efficace. Oh, je te rappelle comment heureusement. Silence, maman, qu'est-ce que tu dis? Vous êtes de ça, peut-être? Je comprends pourquoi on leur fout des trucs dans la bouche. En tout cas, je te rappelle qu'on a deux fois avec les copains de la NASA, la tête, alors on ne peut pas me faire ça. Qu'est-ce que tu veux encore? Reste avant, c'est dit, sinon je te rends au... à la sécurité, tu as fait le sol. Bon. Ah, j'appelle à présent Yurlour et un coup de cœur. Éric Sago et Fabien Velman qui ont... On a déjà vu ta sale tronche ici sur la scène, tout le monde le prend de l'aide. On sait que personne ne peut prendre ta place de l'air. Je ne pas non, très bien, très bien. Je vais te souffler les réponses. Bon alors, on y va, Montaigne. Oui, tout à fait. Premier test. Alors, c'est qui ça? Un anneau. C'est qui? Christian Rosier. Non, c'est pas ça. Ah, ah, merde. Je le savais. Oh bon. Là, c'est qui ça, ton personnage de BD? C'est facile. Allez, merde, quoi, merde? Kiffy Madden. Ouais, n'importe quoi, c'est qui vous en merde, bien sûr. Vous êtes tous débiles ou quoi? N'importe quoi. Bon, ici, on a une collection Dieu, je sais pas trop comment dire. Alors, lequel exprime un doute existentiel teinté de sympathie vers la vie? Louis! Ta gueule! N'importe quoi! C'est faux! N'importe quel montant, ils ont tous deviné dans la salle, sauf moi! Ah, les tanches! Bon, on a un souci, quoi. On a un souci avec cette tête. Je l'avoue, on a un souci. En même temps, on aime bien trouver des coupables, et là, on en a plein d'un coup, c'est bien. On s'en va pas. Sécurité, panique dehors, c'est bon. Bon, comme je disais, on aime bien trouver des coupables, on en a plein. On les fout tous au fourgon, on fait quoi? Excusez-moi de vous dire que vous êtes complètement con, je vous mec. Je fais de mon mieux, quand même. Bon, allez, on va torcher cette affaire vite fait, parce que c'est bientôt l'apéro, et puis ouais. On va essayer de trouver un petit suspect au niveau, quoi, parce que... Ouais, on va bien. Allez, on va faire le Grand Prix de la Suisse 2017. Clément Ouvrery. Bon, c'est bon, je l'ai envie. Mais sauf que c'est une bonne idée de lui donner ce machin, c'est pas une part. Non, mais si, c'est un peu un record de déchets, quoi. Bon, alors, c'est parti. Allez, on est parti pour la deuxième question. C'est qui ça? Plusieurs jours. N'importe quoi. On aurait encore une tête de l'eau qui ne connaît pas Payou. Là, je crois que tu sais pas qui c'est, là. C'est quoi, c'est quoi? Plusieurs jours. Putain, oh. C'est un cheval! C'était pas loin, mais c'est raté, je suis désolé. Ouais. Bon, t'as bien joué, t'es mal barré, je suis désolé. Non, non, mais t'as pas la parole. Pourquoi toi? Je prends. Eh ben, allez, descends, et reste là-dedans, s'il te plaît. Descends, j'ai dit. Descends. Je te tue. Attends, je suis à distance, mais ton petit prénom. Qu'est-ce qu'on fait, Montaigne, qu'on les embarque tous? Si je trouve un oui. Tu veux que je te montre, c'est ça, t'as l'air bien regardé avec tes affaires. Oh, c'est compliqué, hein, tu sais, on est où? Tiens, regarde, je viens de dire ça. Ah, oui, ah, bah, moi j'ai l'impression qu'ils sont 5 à avoir fait le coup. J'ouvre un mec. Je me suis mis à 5 pour enfoncer le truc dans le côté de l'autre, là, c'est bon, quoi. Non, mais en fait, ça est complètement à côté, on se dit, en fait. Ouais, je pense, là, c'est complètement débile. Ça ne tient pas le coup. C'est vrai. Non, mais, à 5 sur un éditeur, on n'a jamais vu ça. Bah, c'est peut-être qu'il y a un détail qui nous a échappé, donc. Oh putain, qu'est-ce que ça? Les clauses. Les quoi, les clauses? Les petites clauses, là, qui sont en bas des pages. Ah oui, c'est vrai. Il faut toujours lire les petites clauses en bas des pages, c'est ça. Regarde, toujours. J'ai un peu sentiment, là, franchement, on est passé à côté d'un truc. Laisse-moi 2 minutes, c'est un peu tout collé avec les mobiles. Ah oui, il y a des petits trucs marqués en bas tout petit, là. Vas-y, attends, j'essaie de vomir. Non, C'est marqué. Adieu, adieu à tous. Désolé, mais j'en peux plus. Attends, j'ai pas fait. J'ai décidé de me foutre en l'air. Trop de pression, trop de livres à éditer, trop de jeunes auteurs à publier. Je sais pas. Je préfère en finir. Dites à mon patron que je n'en ferme pas à faire la vie. Mon Dieu, merde, Montaigne, c'est un suicide. C'est le fond foyer. Mon test, il va servir à rien du tout. Finalement, nous sommes tous coupables. Nous n'avons pas été capables de voir la détresse de cet homme. Rigolez pas, elle a raison, la petite. Vous, auteurs, vous, artistes, du haut de votre arrogance, de votre suppliance, et surtout de vos exigences de princesse, là. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites subir à vos éditeurs qui suspendraient au bout de sortir du caniveau. Bravo! Comme ça veut l'avoir. C'est moi, oui. Alors que vous êtes, hein, tous, jamais un merci, hein, jamais un panier garni pour Noël, hein, pas une petite carte qui fait pouet-pouet quand on a mis dessus. Rien, vous rentrez chez vous, bande de misérables, vous faites pas honneur à votre profession. Mais bon, faut quand même admettre qu'on a un peu de vue comme flic aussi. Donc, moi je vous l'annonce, on va démissionner. On a des balles, non, on ne pleure pas, nous. Faudra vous démerder avec d'autres pour mettre vos prix de merde l'année prochaine, c'est comme ça. Donc, on va vous, voilà, faire passer une petite annonce. Donc, est-ce qu'il y a un candidat dans la salle pour prendre notre place et faire un nouveau régner la justice à Saint-Malo? Un candidat qui a des lunettes. Allez, viens, Pépère, allez. Allez, viens. Bravo. Donc voilà, l'année prochaine, c'est Alfred et Eoli Eka qui prendront notre place ici à Saint-Malo. On sait que ce n'est pas toujours, enfin, très adultes qui font, qu'il faudra monter un peu le niveau, les gars. Je pense qu'on a rarement touché autant de fonds, donc on va essayer un peu d'élégance, un petit peu d'amour, un petit peu de poésie l'année prochaine. Je vous donne rendez-vous dans un an. Sur la scène pour faire les marionnettes devant les